Vous n'imaginez pas comme je suis contente d'être à la retraite. Je me lève tard, je me couche tard, je me promène toute la journée, je visite des musées, je vais au cinéma, je vois mes amis. On se donne rendez-vous dans des cafés. On s'amuse bien. Parfois, vous vous ennuyez un peu, non ? Jamais. Je me sens utile. Je m'occupe d'une petite association pour les enfants du quartier. Je reste active. Et vous, votre retraite, c'est bientôt ? Oui, je me prépare psychologiquement. J'ai un peu peur de m'ennuyer. Mais non, c'est comme des grandes vacances.